La radio russe Sputnik a présenté le contenu de l'interview avec son journaliste et Alejandro Caudebenos, président de l'association d'amitié avec la Corée Sejong en Espagne. Le président y a souligné que la Corée sera un État socialiste très développé et attaché à l'avenir et que la péninsule coréenne doit être réunifiée suivant l'esprit des déclarations communes adoptées au sommet historique Nord-Sud.